Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour. Vous êtes bien à la matinale de la radio des bons cons. Bonjour Kéman. Bonjour Chloé. Bonjour Doug. Bonjour. Je me suis vraiment levé à l'heure pour cette matinale. Donc, comme vous pouvez le constater par cette magnifique imitation de Kéman, pas de Doug ce matin. Quid de Doug, on ne sait pas. Si vous avez des réponses, répondez-nous sur le chat de l'émission, comme d'hab. Si tu nous entends, Doug... Où que tu sois. Si tu es quelque part, pense à toi. Mais on sait que tu as avant tout dans nos cœurs et c'est tout ce qui compte ce matin. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer comme d'habitude, il nous rejoindra en cours de route. Hein. Eh bien, écoutez, aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 avril. Et nous avons officiellement plus de 400 abonnés sur la page Facebook de la radio des bons cons. Ah. Et ça, franchement, ça nous fait tellement chaud dans le clacos, vous imaginez même pas. Il y a Jean-Jean qui nous dit « Doug Dodo, c'est difficile ce matin au niveau du réveil. C'est peut-être un truc au niveau national. » Eh bien, on ne sait pas. Nous, franchement... Moi, je suis levé depuis 8h, je sais pas ce qui s'est pareil, passé. Alors que pourtant, je me suis couché tard, mais... Pleine forme ici à la Rouxière, écoutez... J'arrive pas jusqu'à dire pleine forme, mais en tout cas, on est debout et on est à l'heure... On est à l'heure minus 2 minutes, quoi, voilà, mais on est grosso modo là, quoi. Grosso merdo, exactement. Ouais, ouais. Mais ça aurait été bien une troisième personne pour équilibrer un peu en termes d'énergie, là, mais bon. Eh bien, aujourd'hui, jeudi 16 avril, eh ben, j'aurais dû me faire tatouer hier, donc j'aurais dû avoir un nouveau tatou depuis un jour. Il aurait été beau, mais bon... Qu'est-ce que j'y peux? Et donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Voilà, alors pense à libérer un enfant. Alors voilà, c'est la journée pour porter vos belles Nike ou vos belles Adidas. Allez, faites-vous plaisir. Bah non, justement, pour pas les porter. Bah, faut leur rendre donc, hommage. En fait, rester nu. Faut rendre hommage à leur travail. En fait, rester nu, puisque la plupart des fringues qu'on achète dans les grands... Dans les grands quoi? Dans les grands magasins, comme dirait Philippe Catherine. Eh ben, ce sont des trucs qui viennent sont faits par des enfants. Alors, rester nu, peut-être, c'est bien. C'est un bon programme pour la journée. Et également, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix. De l'avoine. De la voix. De l'avoine. De Marc Lavoine. De Marc Lavoie. Oh, là, on est sur une plus vieille référence encore, mais je sais que vous l'avez, Chloé, j'en doute pas une seule seconde. Eh bien oui, c'est la journée mondiale de la voix, alors peut-être... Fermez vos gueules pour une fois, ça fera du bien à tout le monde. Non, j'allais dire envoyer des petits vocaux gentils à vos amis pour leur dire « Bonjour, je pense à toi, comment vas-tu » C'est la journée mondiale de la voix. Donc, Elie Semoun, le pauvre... c'est pas une journée pour lui. Lui, en l'occurrence, Daniel Lavoie, autant pour moi, excusez-moi. Daniel Lavoie, pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Lavoie, c'est lui qui joue le prêtre dans la comédie musicale de qualité, Notre-Dame de Paris. C'est pas Phébus? C'est comme ça que ça s'appelle? Non? Non, c'est Frollo. Frollo, Oui. C'est un espèce alors, de... C'est un Frollo du Seigneur des Anneaux, quoi. Frollo, qui est joué... qui est un personnage magnifique dans le film de qualité... de Patrick Timsit, Quasimodo del Paris. Oh mon dieu. Frollo est joué par notre chouchou, enfin mon chouchou, Richard Berry. Et il fait toujours des gros doigts, des gros fuck. Voilà, c'est rigolo. Eh bien aujourd'hui, nous fêtons également les gens. Bonne fête au Benoît Joseph et aux Bernadette. Voilà. Benoît virgule Joseph, Benoît ou Joseph, c'est des gens qui s'appellent Benoît Joseph. Benoît Joseph. Ah ouais. Bon bah s'il reste en vie, bonne fête à vous hein. Bernadette et, aussi et malheureusement Bernadette, il y en a encore en vie. Il y en a une surtout. Oh bah oui bah. Eh bien, Putain. Bah. Mais non, mais j'allais dire, ça s'est passé un 16 avril et j'ai réfléchi à la manière dont je devais le dire, vu que vous vous moquez de moi chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé un 16 avril? Ah bah c'est ça s'est passé un 16 avril. Eh ben, 16 avril 1917, c'est le début de la bataille du Chemin des Dames pendant la Première Guerre mondiale. C'est entre Soissons et Reims. Et c'est un échec français et une victoire tactique allemande. Oh, décidément, ils sont forts, ces Allemands. Oui. Eh bien, écoutez, autrement, qu'est-ce qui s'est passé en 16 avril? Bah oui, 16 avril 1921, naissance du premier fromage fondu en portions, la vache qui rit. Brevet déposé par Léon Bell. Excellent, excellent. Voilà. Ça, c'est un fromage qu'on peut retrouver dans tous les supermarchés du monde entier, apparemment. C'est... Exactement. Et donc, l'année prochaine, si vous calculez bien, hein, l'année prochaine, c'est les 100 ans de la vache qui rit. Yeah. Voilà. Pétons-nous le bide avec du fromage reconstitué bien dégueulasse. Alors, il y a Joseph qui nous dit la guerre, c'est comme le football, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Magnifique, je sais pas comment rebondir. En fait, bah, moi j'ai envie juste de vous rappeler qu'on a deux étoiles et pas eux. Ah bah oui, mais ils en ont beaucoup plus que nous. Hein. Ouais, d'accord. Ils en ont trois ou quatre. Joseph va nous dire ah bah non, ils sont beaucoup meilleurs que nous, les Allemands, évidemment. Ils sont beaucoup meilleurs que nous. Ah bah évidemment. Okay. Alors il est en train de répondre là, Joseph, il va nous donner le compte exact d'étoiles. Je pense que, moi je dirais qu'il y en a 3. Ah non, il y en avait 4 avec 2014, c'est eux qui ont gagné. Ouais, c'est eux qui ont poutré les Argentins là. Bah peut-être il est parti vérifier. Je crois que c'est 4 étoiles. Donc voilà, on ferme notre gueule, on se fait tout petit. Le 16 avril 1943, important. Non. Ah merde. Le chimiste suisse Albert Hofmann découvre les propriétés du LSD après une indigestion accidentelle. Alors apparemment, il aurait mis. que la tentative de montrage de connaissances balistiques. Oui, bah j'y connais rien, clairement. Albert Hofmann qui découvre les propriétés du LSD en ingérant accidentellement du LSD parce qu'il était en train de tester les molécules et tout ça, et donc apparemment il se serait mis du... Vous êtes laborantine dans la vie de tous les jours, ça se voit, vous connaissez bien le... J'ai un bac S, clairement, c'est faux, j'ai un bac L. Et apparemment il se serait mis dans les yeux. Ouh. Et il a documenté, il a directement prévenu son assistante de laboratoire, et il a tout noté, tous les effets que ça lui faisait et tout, et après ils sont genre rentrés en vélo, et donc ce jour est connu sur le jour du vélo. Voilà. Il a dû passer un sacré moment le coco. Bah ouais, hein, vous imaginez le premier mec qui a pris du LSD, c'est assez rigolo quand même. Son journal, ça devait être assez marrant. Bah ouais, 16h23, je viens d'ingérer du LSD. À un moment donné, 16h42, oh regardez mes mains comme elles sont trop douces. Bah, il dit qu'il galère à écrire au bout d'un moment, que c'est suite à des efforts considérables qu'il arrive à écrire. Ouais. Et il dit aussi que sa voisine n'est plus la gentille... Madame Martine, limite, et que c'est devenu une vieille sorcière qui lui veut du mal et tout ça. Ah bah c'est... Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est rigolo. Il devait pas beaucoup la kiffer à la base, hein, parce que si tu vois quelqu'un et que tu commences à le voir en sorcière, c'est que... Voilà, il parle des couleurs, tout ça. C'est très intéressant si vous voulez aller regarder le descriptif de la journée qui est connue comme la journée du vélo. Puisqu'il est rentré en vélo, complètement perché. Oh non. Alors Joseph nous dit que c'est... Putain. Joseph nous dit que c'est 4 étoiles l'Allemagne. Voilà. Exactement. Et donc. Ah, on a un petit message sur votre messenger de Douglas là. On est sur un réveil. Et ça va être le moment de s'envoyer un petit son pour reprendre. J'ai encore un truc à vous dire. Ah bah dites-nous. 1955, le mot ordinateur est inventé par Jacques Perret à la demande de la société IBM. Donc voilà, depuis 1955, le mot ordinateur existe. Et donc, on va passer aux anniversaires, on va faire une petite pause musicale. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Exactement, on a deux anniversaires à souhaiter aujourd'hui où on peut passer des petites musiques. Donc, ouais. On va commencer par une musique assez courte, mais de qualité. Ouais, c'est comme ça qu'on. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs. C'est Bobby Lapointe qui fête son anniversaire aujourd'hui avec Takati. On va tenter d'avoir Doug dans l'intertemps. Voilà, hein, et on s'écoute Takati Takité. ce soir au bar de la gare. Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre. L'effet tarpaillard du bar, pas encore Igor, Igor, mépris de son oreille. Merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a quitté. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocus qu'attends-tu? Puisse-toi tes cocus, tac-a-tac-a quitté. Et quitter ton quartier, tac-a-tic-a quitté. Ta tactique était toc, ta tactique était toc. Tac-a-tic-a quitté, on te t'a toqué troc. Ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. On t'attend t'attaquer contre ta cocotée. Quatre équipes pour compter et quitte ton quartier. Tac-a-tic-a quitté. Tac-a-tic-a quitté, tac-a-tic-a quitté, tac-a-tic-a quitté. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coquère coquin. Et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué. T'en compte toqué, qui compte étantiquant, tout un tas de tickets, de quais. Quand tout à coup, tic-tac, tic. Quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrit le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie. Nous sommes toujours là, et toujours sans Doug, qui est occupé par son travail. Voilà, il y a des gens qui bossent encore. Travailler. Hein. Bien, nous allons passer aux anniversaires. Donc, bah déjà, voilà, hein, un très joyeux anniversaire à Bobby Lapointe, qui aurait eu 98 ans. Voilà, puisqu'il est né en 1922. Et bien, écoutez, en plus de Bobby Lapointe, on a plusieurs anniversaires. Alors, il y en a un qui déjà me fait beaucoup rire. Je voulais noter parce que franchement c'est une anecdote folle. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Marguerite Steinheil. Steinheil, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Elle est née en 1869. Alors quid de Marguerite, qui est cette personne? Eh bien Marguerite, c'était la maîtresse de, entre autres, de Félix Faure, qui est mort dans ses bras le 16 février 1899. Félix Faure qui était le président de... Le chef de nous, exactement. Officiellement, Félix Faure est mort d'un AVC, mais ce qu'on raconte, ce qui est connu en fait finalement de sa mort, c'est une histoire assez croustillante et assez incroyable. Donc Marguerite était la maîtresse de Félix. Félix lui passe un petit coup de téléphone en lui disant: tiens, tu viendrais pas, Marguerite, me sucer la... Car... On a vraiment fait le jeu de mots. Okay. Mais c'est vrai, en plus, c'est exactement ce qui se passe. Puisque Marguerite arrive, elle arrive à l'Elysée. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire c'est ce qu'ils se sont dit mot pour mot au téléphone, c'est ça? Dis Marguerite, tu viendrais pas me sucer là. Et du coup... La flébite. Marguerite et Félix commencent à faire leurs petites affaires dans un salon privé, quand tout à coup... Un cri retentit, le personnel de Félix Faure arrive, découvre Félix Faure en train de crever, clairement, l'habit à l'air. Marguerite qui se rhabille à toute vitesse pour cacher sa pudeur. Elle était donc en train de pratiquer une fellation. Alors, est-ce que c'est les aphrodisiaques très forts qu'il avait pris juste avant? Enfin bref, il fait un AVC et il meurt. Donc on essaye de pas trop ébruiter l'affaire, sauf que tout Paris est au courant. Le tout Paris est au courant de cette histoire. Donc on a un journal parisien par exemple qui titre: Félix Faure a trop sacrifié à Vénus. Et on a cette phrase incroyable de Clémenceau qui dit: il se voulait César, mais ne fut que Pompée. Et elle a hérité, cette personne, Marguerite Steinheil, elle a hérité du doux surnom de la pompe funèbre. Voilà, c'est une anecdote que je trouve incroyable. C'est du petit slut-shaming du 19e. Exactement. Voilà. Bon, après, elle a eu des histoires assez particulières, Marguerite, si vous voulez aller voir sur les internets un peu sa vie. Elle a été mêlée à une sombre histoire d'assassinat de son mari. Elle a été la maîtresse de d'autres gens aussi, pareil, assez connus, genre le roi du Cambodge ou des trucs dans le genre. Enfin, bon, sacrée vie, cette personne. Voilà. Et bien, également comme anniversaire, c'est l'anniversaire de Charlie Chaplin. Mmh. Voilà. Encore un qui les aimait jeunes. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a Loyo qui nous dit quel poète ce Félix. Oui, quel poète. Et oui. Alors, également aujourd'hui, l'anniversaire de Joseph Ratzinger. Plus connu sous le petit nom de Benoît XVI, hein, qui était notre 265e pape. C'est la première renonciation, hein, il a renoncé à la papauté, c'est la première renonciation depuis Grégoire XII en 415. Donc, waouh. Ça fait une tache dans le CV tout ça. Hein. Exactement. bah voilà, Benoît, c'est son anniversaire. Il est né en 1927, donc je ne sais pas s'il a été rajouté dans le bingo de quelqu'un, mais peut-être il est temps. Aujourd'hui aussi, anniversaire de Michel Denisot. Michel Denisot. Michel Denisot, le roi du PAF, roi de Canal, voilà. Mimi, Michel, qui va d'ailleurs tourner son premier... Qui a tourné d'ailleurs son premier film, je crois. Il a été réal. Il a été également... il n'a pas été président d'un club de foot, un truc dans le genre? Non. Non, il était vachement impliqué, je sais pas à quel rôle dans le PSG. Oui, voilà, enfin, bon, bref, il faisait un truc avec le foot, quoi. Il aimait le foot, déjà, il allait. Je montre encore mes grands... N'allez pas sur les terrains que vous ne connaissez pas. Sur les terrains de foot, tu veux dire? Et oui, je ne rigolerai pas pour ça. Ah, Joseph nous dit, il a été président du PSG. Ah ouais, alors, on ferme bien son camembert maintenant, hein? Oui, c'est vrai que l'information, c'est telle que vous l'aviez énoncé exactement comme ça. Il a été président du PSG. Excusez-moi de vous avoir contredit face à un fait qu'un Canal détenait le PSG, mais voilà. Il y a Loyo qui nous dit, par rapport à l'anecdote sur Marguerite, là, et Félix Faure, comme quoi, entre ça et la tub à Benji, la politique française reste accrochée à ses valeurs. C'est vrai. Non, Loyo nous dit c'est pas l'OM, je crois quand même que c'est le PSG. Non, c'est clairement pas l'OM. C'est clairement pas l'OM. Il est... Denisot, non. Non, clairement pas. Donc voilà, c'est l'anniversaire de Mimi, Michel. C'est également un autre anniversaire d'un autre Michel, Michel Blanc. Michel Blanc de la troupe des Farfadets de Limoges. Non, pas du tout. De la troupe du Splendide. Aujourd'hui, je pense que ça va en faire rire plus d'un. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tex. Ouais, en fait, je vais pas la faire, sa blague, elle est vraiment vénère. En fait, à la base, on en a parlé hier et je me suis dit, ah bah vas-y, je fais la blague à l'antenne et puis on laisse les gens voter sur le Discord si je suis puni d'émission demain ou pas. Mais elle est vraiment dégueulasse, sa blague. Après, c'est pas toi qui l'a fait, tu ne fais que dire, je cite Tex. Bah, je vais la faire, cette blague, mais elle est horrible. Enfin, je vais la répéter. Je vais clairement pas donner de ton. Oh, puis même pas, franchement, non, ça sert à rien, c'est vraiment de la merde. Je pensais que c'était un peu lourdingue et tout, un peu bouffe, j'avais complètement zappé. Mais non, mais c'est sur des femmes battues, en plus, franchement, c'est de la merde. Googlez même pas, franchement. Vas-y, on s'en bat les couilles. J'ai pas envie de répéter ça. Le troisième Reich, oui, je veux bien, oui, mais le sexisme, ça me fait marrer que de 11h à 10h, à midi. La blague pour laquelle il était viré. Ouais, exactement, ouais, on c'est va celle-là. Pas la faire, est... C'était pour voir si ça marchait encore aujourd'hui, en s'ils allaient me faire virer, suspendu, mais. Donc, mais, bah voilà, c'est l'anniversaire de Tex. Et bon, on lui souhaite pas du coup, on s'en bat les couilles, on s'assoit dessus. Bah, à aucun moment je souhaite les anniversaires des gens, j'énumère juste qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ok. Également aujourd'hui, l'anniversaire de Martin Lawrence. C'est le mec qui joue Bad Boy avec Will Smith. Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Claire Foy, qui joue magnifiquement bien le rôle de la reine d'Angleterre dans la série de qualité The Queen. Non, The Crown. The Crown, pardon. N'importe quoi, The Queen. The Crown, dispo sur Netflix, qui est vraiment, vraiment très chouette comme série. Elle a d'ailleurs gagné un Emmy de la meilleure actrice pour ce rôle. C'est aussi l'anniversaire de Jules Citruc. Je sais pas si vous vous souvenez de Jules Citruc. Ah, le mec, il est pas très matérialiste, hein, parce que franchement, le mec, il a juste Citruc. Oh putain. Oui, c'est moi César, 15 ans et des bananes, moi, 1m50. César, 10 ans et demi et 1m32, un truc comme ça. Exactement, c'est César, ouais, voilà. Et puis aussi, aujourd'hui, un autre anniversaire qu'on peut passer la musique parce que. Ouais, ça va partir et puis après, on va avoir notre petit invité. Eh bien, c'est Akon. Akon qui chantait Lonely, I miss Lonely. Enfin, la reprise de ce truc-là. Mais que nous, on n'aime pas trop Akon à part avec une chanson. Voilà, donc on est reparti sur The Lonely Island. Featuring Akon. Donc, The Lonely Island, je rappelle un peu, hein. C'est des mecs qui viennent de SNL, Saturday Night Live. C'est du rap second degré, très très second degré, et du coup c'est le morceau I Just Had Sex. Donc ça c'est pour les gens qui sont confinés en couple, les autres allez vous toucher quoi. Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. I just had sex. So good when I did it with my penis. A girl let me do it, it literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from, I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex, man, my penis felt great. And I called my parents right after I was done. Oh, hey, didn't see you there, guess what I just did. Had sex, undressed, saw her boobies and the rest. Was sure nice of her to let you do that thing. Nice of any girl ever. Now sing. I just had sex and it felt so good. Felt so good. I wanna let me point my penis inside of her. I wanna tell the world. To be honest, I'm surprised she even wanted me to do it. Doesn't really make sense, but man, screw it. I ain't one to argue with a good thing. She could be my wife. That good? The best 30 seconds of my life. I'm so humbled by a girl's ability to let me do it. Cause honestly, I'd have sex with a pile of manure. With that in mind, a soft, nice smelling girl's better. But she let me wear my chain and my turtleneck sweater. So this one's dedicated to them girls that let us flop around on top of them. Yeah, if you hear our bar, whether short or tall, we wanna thank you all for letting us. She kept looking at her watch. Have been a racist. Doesn't matter, had sex. She put a bag on my head. Still count. I just had sex. And my dreams came true. Dreams came so true. If you had sex in the last 30 minutes, then you're qualified to sing with me. I just had sex. Everybody sing. And it felt so good. We all had sex. So I wanna let me put my penis inside of her. I wanna tell the world. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi ? Oui, pardon. Oui, bonjour. Tu m'as fait rire, bonjour. Voilà, je suis désolée. reprise d'antenne. Pardon, tu m'as perturbé. Eh ben, on est toujours à l'antenne, toujours sur la matinale des bons cons. Oui, c'est ça. On n'a pas notre bon Doug qui est encore pris par des occupations professionnelles, mais nous avons un invité qui vient de nous rejoindre par le truchement de la téléphonie mobile. Voilà, c'est un invité qu'on est vraiment très content d'avoir, puisque vous savez que nous, dans la matinale, on essaye d'aller un peu plus loin que le réseau des bons cons. Hein. On essaye d'élargir nos invités un petit peu d'élargir nos horizons d'élargir en tout cas, nos horizons exactement donc écoutez je passons à l'invité du jour. Invité, bonjour. Bonjour mon homme, bonjour de radio sans de cap. Alors je note un petit accent. Invité, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous appelez et comment vous vous appelez? Absolument, oui, forcément, je suis Marc marqué par la langue belge. Je suis belge de naissance. J'habite en Namur. Hein. Je m'appelle Jérémy et j'ai 32 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Jérémy, quel est votre métier? Alors, mon job, c'est ambulancier de SAMU. Ambulancier du SAMU, oh, ben, ça doit être compliqué en ce moment, non? Oh, c'est pas facile, hein. Il y a des mesures protocolaires à prendre. Donc, c'est sûr qu'il faut se masquer d'un maximum de choses. Par exemple, vous voyez, je ne sais pas trop comment ça se passe en France, parce que nous, des fois, nous sommes débordés, notamment cette dernière semaine. Non, ça va commencer à aller mieux, hein. Je précise que ça commence à aller mieux dans les actes. Nous, on est confinés jusqu'au 3 mai. Je sais pas vous, c'est plus longtemps, hein. Nous, c'est le 11 mai pour l'instant. Oh punaise, oh merde, hein. Et puis, ah ben nous, alors, nous c'est la première ministre, hein, Sophie, qui nous l'a annoncé, on n'a pas le droit d'événements NAS jusqu'en fin août. Ah ouais, donc d'accord, donc pas de festival de musique, pas de... Oh pas punaise, de... Oh ça me la met mal, hein, je suis dagoté. Et en termes de cas, on n'arrive pas bien à se rendre compte, nous, parce qu'on vit un petit peu avec nos actualités en boucle en Belgique. Vous êtes beaucoup, beaucoup touché par la crise? Oh, nous sommes touchés pour un petit pays comme le nôtre. Nous sommes quand même dans le top 10 mondial, hein. Top 10 mondial. Donc ça veut dire que là, par exemple, il y a quelques jours, on a eu 444 décès. Ah oui, d'accord. Hein? Oui, oui, bien sûr. Et puis, le dernier jour, là, nous avons eu des nouveaux cas confirmés à hauteur de 2454, quand même, hein. Donc, bon, ça va mieux. Là, on va vers une diminution, hein. Mais là où je travaille, moi, à Namur, ça va quand même beaucoup mieux. C'est pas Namur qui a touché précisément, c'est plus le Flandre, hein. D'accord. Donc, la partie nord de la Belgique. En France, on a beaucoup de soucis, beaucoup de revendications, hein, qui étaient déjà antérieures à la crise sanitaire actuelle. Mais on a beaucoup de témoignages d'infirmières, de personnel, en tout cas soignants, qui sont démunis parce que manque d'équipement, manque de moyens. Est-ce que vous vivez la même chose, vous, en Belgique, ou vous êtes un peu plus soutenu depuis un moment par l'État? En Belgique, nous sommes quand même plus soutenus par l'État, nous faisons moins les cons, hein, parce que c'est vrai que vous avez eu pas mal de l'hôpital. J'avais discuté avec un gars, j'avais discuté avec un gars qui était ambulancier aussi, il m'avait dit que c'était un sacré bordel, hein, que des fois il n'y avait pas assez de fourgons et tout le temps de fin. Alors, moi, nous ça va, nous sommes plus ou moins aidés quand même, nous n'avons pas trop de problèmes vis-à-vis de ça, hein, quand même, je dois dire. Je dois dire, forcément c'est dur, hein. C'est dur forcément pour tous les milieux un petit peu de service public, hein. Mais nous sommes quand même bien lotis, je dirais, hein, là-dessus. Alors bien sûr, le gouvernement a mis en place des dispositions exceptionnelles, je dis bien exceptionnelles, pour faciliter un maximum de choses pour nous, secteur sanitaire. Donc voilà, c'est toujours mieux. J'espère que nous pourrons garder toutes ces mesures par la suite. À la fin de cette épidémie. Alors Jérémy, est-ce que vous pouvez par exemple nous parler d'une journée type là pendant la crise, pendant le coronavirus, comment est-ce que vous pourriez décrire votre quotidien par exemple? Alors je ne peux pas très en dire sur mon métier puisque j'ai quand même un sacré professionnel. Bien sûr. Mais ceci étant dit, je peux faire des petites écartades, hein. Je ne suis pas non plus un connard de service. Alors, par exemple, à moi, il m'arrive pas mal d'histoires, hein, dans mon métier. L'objectif, c'est quand on reçoit un appel des collègues, hein, qui ont le centre d'appel du SAMU, ils nous appellent en nous donnant l'adresse et la personne a capturé pour l'emmener direction à l'hôpital. Il s'avère que moi, mon rôle principal des journées, c'est je suis au volant, moi. Moi, je conduis les fourgons. Parce que j'ai une ceinturure du sang, je ne peux pas, moi, si vous voulez, la seule fois où j'ai voulu aider quelqu'un, j'avais du sang partout, il y avait partout du sang, c'était vraiment un bordel pas possible, moi j'ai failli m'évanouir, j'ai tombé de l'œil. Donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, avec mon équipe, parce que je suis principalement avec mon équipe, hein, et bien, avec mon équipe, moi, je conduis. C'est moi qui suis conducteur, parce que moi j'adore les bagnoles, je conduis comme un fou, comme un dingue, je suis un conducteur mec. Je me permets de dire ça, hein, ce n'est pas du tout de la prétention, c'est juste, je suis un conducteur mec, du coup moi c'est moi qui conduis. Alors, Éventuellement, évidemment, forcément, là, on a pas mal de cas de personnes âgées en ce moment, notamment, hein, le dernier jour. Et donc, je fonce à toute berzingue, on voit en fonction de la gravité, du cas gravité, hein, de la personne, et puis je fonce, alors je grille le feu rouge, j'adore ça, moi, grille le feu rouge, je double sur la droite, sur la gauche, sur le milieu, je n'en ai rien à carrer, quitte à arriver des bagnoles, moi, je m'en fous très bien, hein. Après, il faut pas que je tue des gens, c'est juste ça. Des fois, j'écrase un ou deux chambres, mais ça va, hein. Et puis, donc, on va chercher la personne. Alors, il m'est arrivé une chose, parce que ambulancier, c'est aussi des métiers à risque, psychologiquement parlant, hein, comme à vous dire. Par exemple, il y a 3 jours, on va chercher une petite vieille de 80 ans, qui n'avait pas du tout de corona ou un tel suite. Elle avait juste des petits problèmes, bon, je ne sais pas. Elle avait des problèmes, elle avait mal, je ne sais où. Dans la tête, sans doute, hein. Après, je l'entends qui gémit un petit peu vers l'arrière du camion, hein. Donc je dis, madame, vous avez un saucet, vous avez mal aux fesses, parce que je sentais qu'elle se bougeait un petit peu, elle se dodelinait, hein. Après, vous voulez que je prenne le GSM pour appeler les collègues? Et puis elle m'a dit, non, je n'ai pas mal aux fesses, mais j'aurais bien envie de croquer les vôtres. Alors moi, au début, je rigole un peu, hein, 80 ans, je rigole, je sais même plus en pire, les mecs. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là, la vieille ne s'arrête pas là, elle vient me toucher l'oignon, hein, donc le face, elle vient me toucher l'oignon jusqu'à 4 fois. Et puis, elle me donne des fessées en me disant, donc moi je conduis, hein, donc je demande s'il vous plaît, madame, j'en ai comme tout, elle me dit, je les croque, je sais, hein, je les croque, je n'ai pas peur de te faire du bien. Alors forcément, moi j'étais un petit peu traumatisé, hein, voilà. Et puis là, donc, on dépose les patients, les clients, comme on dit chez nous. On dépose les clients au SAMU, et puis ils sont pris en charge par la suite, et nous refoncent à toute berzingue dans la ville. D'accord, voilà, vous faites des rencontres un peu particulières, hein, dans votre ambulance, visiblement. Totalement. Et puis vous savez, des fois c'est compliqué, puisque quand on a fini le service, et qu'on a l'habitude de conduire comme un malade, moi quand je reprends ma bagnole, hein, moi je grille des feux rouges encore, mais sauf que c'est avec ma bagnole de service. C'est avec mon bagnole de privé, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, des fois, je me fais arrêter, je me fais prendre des amendes, je n'ai plus beaucoup de points sur mon permis, c'est le bordel. C'est pas quelque chose d'important, votre permis, pour pouvoir travailler, Jérémy? Ah bah, c'est que ça, mais tu sais, quand on est fatigué, quand tu as passé 12 heures à bourlinguer un peu partout, punaise, et que tu oublies même que tu es encore en service ou pas, parce que tu es fatigué, tu rentres chez toi, prendre une douche et dormir, moi, je prends la bagnole, hein, je prends sa femme, je fonce tout bille, partout, mais sauf que quand t'as les bleus, hein, les trucs qui sont derrière, c'est moi te dire que tu te rends sur le côté, tu comprends que tu es dans ta bagnole, pas dans le furgon. Et d'ailleurs, vous parlez de ça, de ces longues journées de travail. Comment vous faites quand vous rentrez chez vous le soir pour décompresser? Parce que c'est un boulot qui est demandant tant en termes d'énergie que d'émotivité. Ah ouais, mais totalement. Et je pense qu'il faut trouver, pour chacun, alors soit de boire, on va boire des verres. Alors bon, là, on peut plus trop parce qu'avec le confinement. Mais avant, on allait boire des verres avec les collègues. Hein. Alors maintenant, on fait des apéros quand même, des apéros visio, hein. Alors, des fois, moi, je picole un petit peu, des fois, moi, hein. Et des fois, je m'endors, parce que je suis célibataire, alors, vous savez. Alors, et donc, je picole un petit peu, et puis, des fois, je m'endors sur la bouteille de gin, c'est compliqué, dans les apéros Skype. Quand je bosse pas le lendemain, attention, je précise. Je suis pas si fou que ça, hein. Non, vous êtes trop sociaux. Sinon, moi, j'écoute beaucoup de musique électronique. Oui. Ah, j'adore la musique électronique, c'est... Là? Ça vous détend? Oh, j'adore ça, ça me détend et puis ça me fait penser à autre chose, ça me vide l'esprit et la tête et je saute, je tape de la patte, comme on dirait, dans mon chez-moi et c'est vraiment un plaisir inestimable et vraiment j'adore ça. C'est pour ça que ça me fait chier, hein, je le dis littéralement, ça m'emmerde littéralement que tous les festivals sont annulés. Ah oui, si vous aimez la musique électronique, j'imagine que vous auriez aimé aller à Dour cet été. Oh là là, laisse tomber. Tu voulais y aller au sein? Parce que moi, j'adore. Hein. moi, je suis pas très musique électronique, mais après, à Dour, il y a tellement d'une foultitude de groupes que oui, c'est un prestige attractif, c'est sûr. Moi, ça fait 10 ans que j'y vais tous les ans. C'est un bordel, une razzia délicieuse chaque fois. Et puis là, tu peux te profiter. Moi, j'ai pris ma semaine de vacances, alors je peux m'amuser à prendre des trucs et tout le bordel. C'est extraordinaire. On revient un peu sur vos projets d'été juste après, on va s'écouter un petit morceau. N'hésitez pas, les auditeurs, sur le Discord, n'hésitez pas à poser des questions à notre invité, à Jérémy, notre invité Jérémy, donc, de Namur, qui est ambulancier du SAMU à Namur. Donc posez vos questions et on fera le relais. Et on s'écoute en attendant notre classique quotidien, Philippe Catherine, Francis et ses peintres. C'est une reprise du morceau Assez Super, dont l'auteur, j'ai déjà oublié, on avait regardé. Mino, non, que je ne connaissais pas. On s'écoute ça tout de suite. Direct sur la radio des Beaucons, c'est la matinale. Et nous sommes toujours en compagnie de Jérémy, ambulancier du SAMU à Namur, qui nous parlait de ses activités, de ses loisirs, musiques électroniques et festivals. Ouais. Alors bah oui, vous êtes, comme beaucoup de nos auditeurs, vous êtes peinés évidemment de l'annulation des festivals cet été. Qu'est-ce que vous aimez faire autrement? Peut-être que vous allez trouver d'autres activités à faire, Jérémy, pendant vos vacances. Quels sont vos autres loisirs? J'ai d'autres choses. Par exemple, je vous avais dit que j'aime beaucoup les bagnoles. Mm-hmm. Moi, j'adore, par exemple, au Mans, en France. J'étais au Mans, en France. Tu vois où ça? Oui, mais c'est pas très très loin de chez nous. Ah bon, vous êtes pas loin? Ouais, on est dans la même région. Ah, c'est parfait. Eh ben oui, bon, moi j'ai déjà été au Mans voir les bagnoles courir, c'est mon effet, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aurais voulu aussi aller courir sur des circuits comme ça, hein. Des circuits fermés comme ça, à toute vitesse, puis tu peux rentrer dans la gueule des autres, c'est délicieux. Moi j'adore ça, moi. Et donc, alors vous êtes... Oui, madame. Oui, pardon, je vous ai coupé, Jérémy. Ah non, allez-y, madame, allez-y, n'ayez pas peur. Je voulais savoir, vous êtes confinée seule ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Comment se passe votre confinement? Non, moi je suis seul, c'est bien mon petit point noir en ce moment même. Je suis seul et je suis célibataire, hein, donc moi, Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête, qui aime beaucoup aller dans des clubs, dans des choses comme ça. Il s'avère que là, c'est compliqué, c'est pas pour moi, et puis pour les rencontres, c'est compliqué. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que je suis un homme sans tabou, je peux parler de tout et n'importe quoi, et je me dis quand même gentleman, hein, comme on dit, malgré mes drôles d'expression, ma drôle de voix et ainsi de suite, je suis quelqu'un de gentleman qui sait respecter les femmes. Est-ce que vous avez essayé les applications de rencontres, je pense à Tinder, OkCupid, tout ça? Bon, j'ai essayé, mais j'ai eu des petits soucis. Il y avait des bordels pas possibles sur le fait que je vais à un rendez-vous. Hein, ça match, je vais à un rendez-vous. Et puis en fait, c'était une bande de filles qui se foutaient de ma gueule. Ah oui, c'est pas drôle, oui, en effet. On va pas se servir de ça pour ça. Alors moi, tu vois, j'étais un peu vexé. J'étais énervé comme pas possible, j'ai foutu un bordel dans le verre, un bordel pas possible, j'ai tout balancé sur la table, j'ai gueulé contre les gonzesses. Ah forcément, c'est une version de temps, hein, je ne suis pas violent, hein, je le dis, je ne suis pas violent. Mais sauf que je t'aime, mais c'est quoi ce rôle? J'ai pris le GSM, j'ai dit, tu viens ici Daniel, tu me rappelles tout de suite, et puis j'ai fait le chez toi, puis on s'est foutu une cabane pas possible. Alors que moi, je voulais juste lui faire une baise, hein, une bise en français, tu vois. Mm-hmm. Et ben, je voulais lui faire une baise, et puis c'est tout, et puis je voulais rencontrer. Alors il m'arrive des petits soucis comme ça, et puis vous savez qu'on a été blessé comme ça, ça fait mal au cœur, et ah, ça fait mal. Ouais, ben on imagine, c'est pas pour ce genre de rencontre qu'on va sur les applications tel Tinder. On a une petite question d'ailleurs, je sens un autre accent que celui belge. On a Joseph Goldenmeier sur notre chat qui vous pose la question, est-ce que vous alors d'où vient cet accent qui paraît être peut-être anglais, belgo-anglais ou anglo-belge? Ah, il en devine, vous avez devenu dans le sac? Là sur votre dernière façon de vous exprimer, c'est quand vous avez dit gentleman, là je vous avoue que là j'étais un peu impressionné, oui, par l'accent. Hein. Ben c'est parce que ma mère vient de Liverpool. Ma mère est anglaise et donc forcément après elle est arrivée en Belgique parce que mon père est anglais. Ils se sont rencontrés en Angleterre comme mon père faisait, parce que mon père était très punk. Hein. Attention, il a été dans les plus gros concerts de punk en Angleterre, c'était notamment à Liverpool et à Manchester, c'était vraiment un bordel pour ça apparemment. Et puis donc, ils ont migré après en Belgique et s'est retourné avec mon père en Belgique. Donc forcément, je pense que j'ai un peu de ma mère, même si je parle très très mauvais anglais. Hein. D'accord, ben en tout cas dans le mot gentleman, j'ai eu le sentiment de directement voyager, ouais, voilà, je me voyais directement dans un pub là. Oui, ça peut être un petit peu ma classe à l'anglaise, comme on dirait. Et donc du coup comment vous occupez c'est quoi vos autres hobbies là? Est-ce que vous explorez d'autres? Alors, pardon, excuse-moi Kemal, je te coupe, hein. Juste j'avais pour finir hein, sur les rencontres. J'avais juste une petite question, juste pour vous. Si vous voulez faire un appel à la radio, peut-être qu'il y a une personne qui nous écoute, voilà, qui aurait envie de vous rencontrer. Oh, vous croyez? Ok. Alors, attends. Alors, tu donnes mon numéro après, hein? Tu oui, bien mon sûr. Numéro sur le chat, je ne sais quoi, d'accord, hein? Oui, alors, oui. Toi qui écoutes, j'espère que tu serais être intéressé, si tu ne connais pas, oh, je bégaye, c'est la pagaille dans ma tête. Alors, attends, écoute, si tu ne connais pas l'ambiance Jacques, je serai un autre pour toi, je serai t'endulé vers les plus beaux cieux du monde, je n'ai pas peur du caractère français, je sais que vous êtes un petit peu rochinière, mais je ne m'arrête pas à ça. Je vais faire un poème. Toi, hôte de ces bois, tu penses que tu peux aller vers la voie lactée, mais je n'ai pas peur de t'ensemencer avec mon plaisir et ma douceur de baiser. Voilà. Alors, voilà. Et n'hésitez pas à me contacter. Je suis quelqu'un de gentil, de gentleman, d'un petit peu fou, hein, et je dis ce que je pense, je suis sans tabou. Et aussi, si ça peut aider, j'aime tout ce qui est Club Libertin. D'accord. Très bien. D'accord, écoutez, c'est une annonce. Le message est passé. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont tombées sous le charme de Jérémy, n'hésitez pas à nous contacter. On vous transmettra ses coordonnées. Excusez-moi, qui va vous occuper du coup. Mais dites, vous, madame, vous êtes célibataire? Ah. Peut-être qu'on est en train de vivre un moment fort. Ah, alors, tu t'appelles? Bah écoutez, Jérémy, pourquoi pas, c'est vrai que je ne connais pas la Belgique. Les Belges ont un charme particulier, en effet. Ah bah, j'aimerais te dire que dès le confinement, dès la fin du confinement, on peut se rencontrer, hein. On va s'organiser ça, on ira se boire un petit verre, Jérémy. Ah oui, c'est parti, c'est vendu. Tu m'as refait ma journée, c'est génial, ça, punaise. Je me sens trop dans le studio tout d'un coup, hein. Oh non, mais tu peux rester, t'inquiète pas, c'est bon. Y'a pas de soucis. Je te dis, j'aime bien le club libertin. Il n'y a pas de tabou, il nous a dit. Bon, ben je crois que la question que je voulais poser paraît bien obsolète au vu du tournant de cette conversation. Ben alors moi, je... Pardon. Tu voulais poser quoi comme question? Ben je... Voilà, ça m'intrigue, ce côté libertin, Jérémy. Ah bah alors, forcément, hein. Ah ben, en fait, si tu veux, moi j'aime beaucoup le libertin. Avant, j'étais avec une fille qui s'appelait Sophie. D'accord. Et donc, elle m'a fait découvrir le plaisir, l'histoire du sexe, hein. Littéralement, elle m'a dévergondé, elle m'a fait découvrir des choses, des parties de moi-même que je ne soupçonnais pas plaisir, hein, comme on dirait, parce que moi, mes parties, j'avais le plaisir, les parties où ça me chatouille, hein, comme je pourrais dire. Après, elle m'a proposé d'aller dans un club libertin. Moi, je me dis, non, ce n'est pas de moi, sœur, j'ai peur, j'avais très peur, quoi, si vous voulez. Je n'osais pas faire le pas. Et puis, elle m'a dit, t'inquiète pas, viens par là. Elle m'a attrapé par la cravate, comme on dirait, et puis elle m'a emmené là-bas. Oh, punaise, quand je suis arrivé là-bas, c'était un truc de malade. J'ai même pris le GSM pour appeler Daniel, mon copain, pour le dire, oh, tu ne devineras jamais où je suis. Je suis dans un club libertin et je vais m'envoyer en arrière, tu veux. Et donc, on va dans des... Alors, il y a des salles, vous verriez. Il y a des salles, c'est que des miroirs. Alors, quand tu fais l'amour, c'est n'importe quoi, c'est le tout, hein. C'est vraiment fou. Et puis, ah ben, c'est vrai. Et puis, sinon, en fait, tu n'es pas obligé de coucher avec tout le monde, voilà, hein. Tu peux juste prendre un verre, et puis des scotins avec d'autres. Mm-hmm. Donc, c'est bon. T'as pas de carabistouille, je ne sais quoi. Alors, voilà. Et puis, même, par la suite, après, on s'est séparé avec Sophie pour des histoires... contentieuse d'argent. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu continuer ça. Donc, des fois, j'allais avec des copines, des filles qui étaient amicales, hein, donc on couchait pas ensemble, mais c'était juste pour rentrer dans le club, parce qu'il faut rentrer avec un garçon et une fille. Tu rentres pas tout seul. Mm-hmm. Et donc, en fait, on a été, donc j'y vais de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que moi, un de mes rêves, hein, je vous le dis, je l'assume, je n'ai pas peur de le dire, ça serait de jouer au moins une fois dans un film de charme. Film de charme, vous entendez moins de 16 ans, là, ce qu'on peut voir sur W9 à minuit, le premier samedi du mois? Absolument, mais attention, un film de charme de qualité, surtout, s'il vous plaît. De qualité, je ne veux pas seulement que ça soit du porno gratuit et sale, dégueulasse, où on maltraite la femme. Moi, je trouve ça dégueulasse, le porno où on maltraite les femmes, hein. Mmh. On devrait respecter le plaisir des femmes et savoir encore un peu plus le plaisir des femmes. Oui, sans doute, certainement. Mais écoutez, hein, s'il y a des réalisateurs qui nous écoutent, hein, voilà, pareil, contactez-nous, on vous donnera les coordonnées de Jérémy. Mmh. Oui, avec un grand plaisir. Il y a quelque chose, je crois que c'est français d'ailleurs en plus. J'en fais une prophète. Il y a quelque chose qui est sur Instagram qui s'appelle Orgasme Moi. Hein? Orgasme et moi. C'est un très bon compte Instagram. Comment, madame? C'est un très bon compte Instagram en effet. Ah, tu connais? Bah oui, je connais. Oh punaise, mais on a vraiment des points communs ensemble, hein? Oui, ah, c'est fou, c'est incroyable, Jérémy. Je suis troublé. Ça avance plus vite qu'on en attend, ça, hein? Bon. Et donc, il y a ce compte-là, et ça, ce compte m'en fait découvrir des choses extraordinaires sur l'anatomie féminin, hein, et sur ma propre anatomie, pour décomplexer tout ça. C'est sur ça qui m'a fait découvrir ça. Mmh. Donc, voilà. Et donc, je reviens au film de Charme, par exemple. Moi, c'est vraiment un film avec de la qualité, de l'artistique, et des choses sensuelles. Je veux de la sensualité, moi. Très bien. On a une question d'une de nos auditrices, c'est pas ma cam, qui nous demande... Quels sont les meilleurs clubs libertins de Namur? C'est pour un ami. Trois petits points. Ah, oh, pour un ami, mon slip, ouais. Tu vas peut-être venir, oui, ou bien, alors. ouais, c'est pas le nanan, hein, non mais là, ce qu'a dit. Alors, les meilleurs clubs libertaires de Namur, il y a le Shingongo, hein, qui est un super club, alors assez petit, mais très bonne réputation, les gens, ils sont extrêmement gentils. Sinon, tu as aussi le Makuda. Le Makuda, ça c'est vraiment aussi une belle boîte libertine avec un beau bar libertin qui est tout en marbre. C'est vraiment délicieux, de magnifiques lumières. Et puis là, c'est beaucoup plus grand. Hein, attention. Mm-hmm. Après, une boîte qu'il faudrait éviter, bien sûr, c'est le Annabelle. Le Annabelle, il faut éviter la boîte de libertine à Namur qui s'appelle Annabelle puisque c'est assez mal coté. Et puis on tombe un peu sur des malades. Par exemple, la fois où j'y vais, hein, oui. J'y vais, donc je rentre et tout. Alors toujours, quand je rentre, moi, dans un club libertin, je prends un drink. Hein, je m'assois, je m'installe, je prends l'ambiance. Il faut toujours prendre l'ambiance, hein, d'accord. Et puis, je reste un petit peu, et puis là, je vois un vieux monsieur de 60 ans qui arrive et qui m'a dit « Bonjour monsieur, voulez-vous baiser ma femme ?» Alors moi, je suis un petit peu désemparé, je suis... alors bonjour, moi c'est Jérémy, on pourrait faire connaissance avant de hurler comme des lapins. Et puis, il y a la bonne femme qui arrive de 60 ans, elle me dit « Bonjour, voulez-vous me faire l'amour ?» Moi j'étais complètement désemparé, j'étais « Oh là là, c'est quoi cette affaire là ?» Et puis ils insistaient, hein. On a été faire nos petites affaires avec d'autres personnes, ils revenaient, ils étaient à la porte de la chambre pour attendre, et ils disaient « Bonjour, voulez-vous faire l'amour à ma femme ?» Et moi j'étais « Écoutez monsieur, ça peut partir en bagarre si tu veux, hein ?» Ça peut partir au bagarre, hein. Mmh. Et il me disait, non, et voilà. Donc, c'est pour ça, n'allez pas à Annabelle, mais les deux autres sont vraiment super. D'accord, très bien. Bon, bah, merci du conseil, merci, hein, pour nos auditeurs belges. On va peut-être se laisser là, j'envoie un petit morceau qui va faire le lien avec ma chronique musicale d'après. Et entre-temps, je vous laisse prendre vos coordonnées, Chloé, Jérémy, oui, organisez voilà, votre petit verre pour le post-confinement. Ça, voilà. Ah oui, on ne va pas se louper. Là, j'aimerais te dire que, Chloé, j'ai l'impression même que dans le grain de ta voix, tu es quelqu'un d'extraordinaire qui me plaît énormément. Et j'ai comme l'impression qu'il va se passer des petites choses entre nous. Oui. Merci. Très bien. Vous voulez saluer nos auditeurs, Jérémy ? Merci, Jérémy. Un petit mot, peut-être, pour un petit dédicace à passer ? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à être libre avec votre corps, ce serait la chose que je vous dirais. Bon courage pour toute cette merde de confinement et sachez que nous faisons un maximum, nous, ambulanciers de Samu, un maximum pour régler cette épidémie, pour la canaliser, la contrôler et la refoutre dans une petite boîte qui s'appelle No Way. No Way. Très bien, merci Jérémy pour votre témoignage. On va s'écouter du coup un petit Toro y moi, Steel Sound, et puis après je vous parle un peu plus de cet artiste américain. We'll be right back. C'était Steel Sound de Toro et moi, et c'est l'artiste dont je vais parler aujourd'hui. Toujours sur la, dans la continuité de tous ces musiciens qui s'enregistrent tout seuls, qui font de la musique DIY chez eux et qui ne connaissent pas tellement les studios, qui préfèrent largement enregistrer dans le confinement intime de leur chambre ou appartement. Toro et moi, de son vrai prénom Chaz Bundick, est donc un musicien qui vient de Caroline du Sud. Pour parler un peu de lui tout d'abord, c'est quelqu'un qui affiche son pluriculturalisme déjà par son nom, son pseudonyme Toro y moi en trois mots. Donc vous avez une partie espagnole, Toro y, donc le taureau, et moi qui s'écrit comme le français, hein, M-O-I, Toro y moi. Donc un espèce je sais pas faire de mélange entre l'espagnol et français là, il n'y a pas d'équivalent à spanglish ou franglais, enfin voilà. Ça veut dire juste le taureau et moi. Donc bon, voilà, pas super, enfin un peu barré comme titre, mais ça incarne pas mal ce musicien américain dont la mère est d'originaire des Philippines et le père est afro-américain. Assez tôt, hein, il a trouvé ce pseudonyme là à 15 ans, aujourd'hui il en a 33. Il a commencé tout d'abord par faire de la chill wave, donc de la musique, la chill wave, qu'est-ce que c'est la chill wave? Eh bien, la chill wave, c'est de la musique dont les chefs de proue sont donc Toro y moi, Washed Out et Neon Indian, trois musiciens américains. C'est de la musique qui est de la pop, avec beaucoup de synthé, beaucoup d'électronique, des boîtes à rythme, et qui a un tempo plutôt assez lent, ou à la limite médium, le but étant de nous faire planer, ou en tout cas de chiller, hein, comme son nom l'indique. Je vous conseille, hein, pour un peu vous rendre compte de ce que c'est la chill wave, d'écouter le morceau de Washed Out, qui s'appelle I Feel It All Around, qui est le template, on a envie de dire, le sound, elle vient de son deuxième album sorti en 2011, Earth Underneath the Pine. Donc avant, il avait fait un album qui était plutôt basé sur du sampling, avec des petits, un petit processeur, une petite groove box, une machine où on enregistre ses samples, on accumule ensemble, on fait du petit montage DIY. Et là, c'est un premier album où il a composé avec, un peu plus d'instrumentalisation, il a des instruments plus riche et varié. On a une vraie batterie là sur ce morceau, on a une basse, on sent que ça va plus chercher dans des influences un peu 70s. On a une patte lo-fi. Et moi personnellement, j'ai surtout connu Toro y moi avec un album sorti en 2013 qui s'appelle Anything in Return. Si vous devez écouter un album en entier de Toro y moi, je vous conseille celui-là. Alors là, on change un peu dans les influences. On a beaucoup de house. Le chant est hyper R&B et on passe à de la house, donc c'est beaucoup moins rétro que le morceau qu'on vient d'écouter. Il y a aussi des influences house et two-step, c'est un genre de house où en fait, si le tempo ne change pas et reste assez constant, on met très peu de coups de kick, de grosses caisses par mesure, ce qui donne une espèce d'impression de lenteur, de langueur, alors qu'en fait, le tempo est toujours aussi vivace que dans la house normale. On va s'écouter le premier morceau de cet album, Anything in Return, qui s'appelle Harm in Change, qui montre bien le virage qu'il a pris, hein, cette suite d'accords au piano, c'est vraiment influence house à fond, la boîte à rythme aussi, et vous allez voir cette petite sample, cette petite boucle de delay sur la voix, ça aussi c'est vraiment grosse influence clubhouse, musique électronique. On s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. Voilà, c'était Harm in Change de Toro y moi. Après cet album, gros virage, et j'avoue que moi, c'est ce qui me plaît beaucoup chez Toro y moi, c'est un peu la liberté artistique qu'il prend dans les directions, dans les choix de composition et de production dans cet album. Alors après un album qui est plutôt house assez électronique, avec des belles textures, moi j'aime beaucoup hein, ces sons de synthé, ce sampling qu'il utilise à foison, il a sorti un autre album en 2015 qui s'appelle What For, et là on est clairement sur une musique qui tourne autour de la guitare et du piano, alors qu'avant on était plutôt sur une texture assez électronique, là il nous ramène à pareil, hein, même époque, années 70, un truc un peu psychédélique, mais on a des guitares qui arrivent à fond, des phasers, je vous en ai parlé cette semaine, hein, du phaser qui arrive de toutes parts, il utilise des Rhodes aussi, hein, ces pianos au lieu de taper sur des cordes, on tape sur des lamelles métalliques. Sur cette époque-là, il a fait un super live qui s'appelle Live in Trona, qui dure une heure. C'est filmé dans le désert californien ou du Nevada, je ne sais plus exactement, mais californien, je crois. Si vous la regardez, vraiment une belle session live, vous avez ce Live in Trona, ça dure une heure, le cadre est magnifique, l'interprétation est super. Et du coup, c'est vraiment dans la patte du morceau suivant que je vais vous faire écouter. C'est assez surprenant, on est vraiment sur de la musique psychédélique là. Dans les ambiances, on a des passages très aériens au piano, on retrouve des synthés, des vieux synthés des années 80 aussi. Ça tranche, hein, et ça tranche autant avec l'album précédent Anything in Return sorti en 2013 qu'avec l'album suivant qui est sorti l'année dernière, Outer Peace, qui est encore un gros retour à la musique électronique. Donc il se met pas vraiment de limite, il prend un peu les virages qu'il veut. Et d'ailleurs, dans sa version live, Live in Trona, je vous conseille vraiment vraiment de la regarder, c'est magnifique. Il réadapte ses anciens morceaux, hein, il joue pas que cet album. Et il arrive à jouer des morceaux de ses anciens albums qui étaient plutôt électroniques pour leur donner cette patte psychédélique et plus rock, hein, plus vivante pour le live. C'est assez intéressant, moi c'est comme on en parlait avec Metronomy, j'aime beaucoup ces groupes qui reprennent leurs morceaux mais qui les adaptent avec leur son actuel. C'est une grosse prise de risque, hein, parce que les spectateurs après peuvent être déçus parce qu'ils recherchaient exactement la même émotion, la même composition, la même énergie que le morceau qu'ils ont découvert à la radio ou sur un album. Mais je trouve ça toujours intéressant d'apporter une différente interprétation, déjà d'une part parce que pour les musiciens, ils s'emmerdent pas à jouer le même morceau de la même façon pendant 10 ans. Et en plus de ça, c'est une prise de risque justement, quoi. C'est se confronter à des fans qui potentiellement vont être déçus, mais en évitant de rester figé. Je pense que c'est ça la force de la musique indépendante aussi, hein, des artistes qui sont vraiment des artistes et pas juste des mecs qui sont là pour vendre des disques. C'est cette prise de risque, cette réinterprétation constante, cette réadaptation, parce que rien n'est figé. Et surtout, la musique n'est pas que mercantile. Donc on t'écoute Spell It Out, qui vient cet album de 2015, What For, de Toro y moi. Et vous allez voir que là, d'un coup, on a de la guitare qui arrive de partout. On n'est plus du tout en mode clubhouse, on n'est plus du tout sur de la musique qu'on pourrait entendre chez H&M, c'est fini. Là, on est sur du rock. Voilà. understand what must be done. Don't make it into something that it's not. Donc c'était Spell It Out de Toro et moi. On s'écoutera un dernier morceau, un Toro et moi, pour clôturer cette émission, qui sera tiré de son dernier album Outer Peace, où là, clairement, on est arrivé sur de la vibe à faire danser des boules. un truc un peu plus funky, un peu plus groovy. C'est avec un morceau qui s'appelle Ordinary Pleasure, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc ouais, pas très actif sur le chat aujourd'hui, on se sent un peu seul ouais, dans notre studio. Ouais, voilà, vous dormez là. C'est roulou. Donc bon, écoutez, on n'a pas de rêve en plus. Moi, j'en ai pas en mémoire de cette nuit. Moi non plus. Par contre, je sais que mes oreilles se plient quand je dors. Si quelqu'un a un truc pour éviter que ça arrive, parce que ça me fait mal, ça me réveille. Et du coup, on va passer au jeu, hein. Alors, on a le temps de vous connecter à la page Facebook pour la dernière image de la publication de la radio des bons cons. C'est notre sosie officiel de David Marseille qui est en photo aujourd'hui. Je rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer vos selfies du matin. Parce que bon, là, ça doit être la quatrième fois que vous voyez la tête de Léo Boiteau. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos selfies du matin. Ah non, mais le rêve, c'est pas ma cam, le rêve... Ouais, le rêve de Nadir, on en a parlé hier dans l'émission déjà. Ah oui, le rêve de Nadir qui était très très long, on l'a cité. Alors, je vous lis le temps que vous alliez sur la page Facebook de la radio. Je vous cite, je vous donne donc dans le mille, hein, la dédicace de Loyo qui a gagné hier. Maintenant, c'est un autre encore plus long. Dédicace à tous ceux qui passent leur anniversaire confiné. Et dédicace aux animateurs et chroniqueurs. Et dédicace à Laurent Wauquiez, dont on a oublié l'anniversaire le 12 avril. Bah écoutez, votre dédicace est passée. Hein, voilà. Merci Loyo. Ophélie, qui avait également remporté à Execo le jeu d'hier, ne m'a pas envoyé de dédicace. Donc bah, elle a jusqu'à la fin de l'émission. Sinon, tant pis pour elle. Et puis oui, pour le rêve, on en parlera demain, on va faire jeu concours là, puis on allait fumer notre petite clope pounette là. Exactement. Alors, écoutez, mon cher Par contre, Kéman, le selfie là, ça c'est une dénonciation, ça j'avoue que... Ouais, je t'ai envoyé un selfie et tu l'as pas publié. Ah mince, bah écoute, je vais le rechercher et je l'enverrai. Parce je ne sais plus ce que j'ai posté, ce que je n'ai pas posté au bout d'un moment. Alors, le film, qu'est-ce que j'ai vu hier? Eh ben, j'ai vu un film... ouais, c'était une fresque sociale, hein, toute franchise. Hein. C'était un film, le personnage, c'était un peu... Il y avait un peu ce côté... le prolo dans une ville de Bourges, quoi. Il y avait ce côté-là, en fresque sociale, on va pas se mentir. Il y avait ce mec qui se laissait un peu pisser, quoi. Il y avait un peu ce truc... franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais finalement... Ce héros, j'ai un peu le sentiment de vivre la même existence que lui actuellement là. Sauf que lui, il n'était pas du tout confiné, hein, c'était son existence quotidienne, tout ça, à base de... Il se laissait pisser, quoi. Et puis, comment dire, il faisait un peu de la peine, et en même temps, j'avais un peu envie de le dénigrer, mais en même temps, comme quand je me vois dans la glace, qu'est-ce que... Neuilly sa mère. Non, mais bien tenté, bien tenté. Il faisait un peu pitié, et en même temps, ouais, ça, j'avais un peu de dédain pour lui, mais finalement, j'ai envie de dire, comme quand je passe devant un miroir, là, pendant ce confinement, et que je tombe sur ma tronche, quoi. Ouais, c'était un glandu, puis je sais pas, il y avait ce côté un peu, quand même, le mec joue de malchance, quoi, parce qu'il a, l'intention, quand même, il a l'intention d'avoir une vie pépouse, il a l'air de s'en battre les couilles de pas mal de choses. Non, un Indien dans la ville, et décidément là, c'est deux proposés qu'on a déjà eu. Il a l'air de s'en battre un peu la race, et en fait, il y a quand même toutes les merdes du monde qui tombent dessus par un espèce par un détail de merde en fait quoi. Je crois juste que c'est le mec, il a le même nom qu'un autre mec. Et du coup, d'un coup, pluie de merde qui lui arrive sur la tronche pendant 1h45. J'ai même plus le timing, c'est passé vite. Oh, c'est marrant, en tout cas, je me suis bien marré. Ça m'a donné envie de reporter des peignoirs. Ça m'a donné envie de vachement de reporter des peignoirs quand même. Hein. Niveau hygiène de vie, par contre, c'est pas conseillé quoi. Enfin, il picole, il fume des sdars, le mec, il a l'air de. Il a l'air d'avoir une journée de confiné, mais H24, le mec. Non, bah... Ouais, et puis, bah... Je sais pas si dans les villes, ça se passe comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et donc, le mec, il y a ce côté un peu aussi post-apocalyptique quand il va faire ses courses, quoi. Le mec s'en rempige. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui tentent ça à Nantes, là, sortir en peignoir et tout, quand ils vont faire leurs courses. C'est le moment de tenter l'expérience, ça peut être rigolo. De toute façon, les gens vont regarder avec dédain d'une manière ou d'une autre, ou avec méfiance, alors à la limite, le style vestimentaire, on s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà, moi j'étais c'était un film marrant. Bon, le mec a rien demandé, il finit la gueule dans la cuvette de ses chiottes, on pisse sur son tapis, c'est quand même... Pour un mec qui mène la vie qu'il mène, je trouve que c'est quand même beaucoup de malchance d'un coup. Je veux dire, moi en confinement, je passe beaucoup de temps en jogo, bon je picole pas, j'ai la marine de fumer un petit péco, on va pas se mentir. Ça me ferait mal que d'un coup on débarque et qu'on me foute la tête dans mes chiottes, quoi, mais bon, voilà, le mec a pas de chance, puis ça part en couille, quoi, c'est-à-dire qu'il y a un de ses potes qui se fait buter à un moment, quoi, ça. On va jusque là, quoi, c'est... Pff. Donc ouais, c'est ça, c'est Elsa hein, qui a trouvé en proms. Merci beaucoup, c'est The Big Lebowski, c'est ça. Donc finalement, The Big Lebowski, c'est une guide life sur comment gérer son existence en confinement, j'ai l'impression. Par contre, il faut savoir arrêter après, parce que ça réussit pas, visiblement. Hein. Voilà. Bah, bravo Elsa, tu as gagné une dédicace, hein, demain. Tu pourras nous envoyer ta dédicace. Est-ce que faudra vous tenir les comptes pour savoir où est le classement? Je tiens les comptes. Je vais vous dire ça tout de suite. Elsa, vous êtes à votre troisième victoire, Elsa. Bravo. Hein, bravo. Alors pour l'instant, c'est Ophélie qui est en tête avec 4 victoires. Rien n'est joué. Eh bien. Rien n'est joué. Bravo à tous. Merci de participer à chaque fois à ce jeu. Eh bien là-dessus, on va se dire au revoir. On va s'écouter du coup le dernier Toro et moi, donc dernier cru. S'il y a un morceau que vous avez écouté qui vous a fait envie, n'hésitez pas à aller sur l'album et je vous conseille de regarder le live Introna. Donc, bisous. La radio des bons cons, mais pas finaux. La radio des bons cons.